suis sur une route de montagne et j'approche d'un tunnel. Il fait beau. Le contraste va être grand entre la clarté du jour et l'obscurité dans le tunnel. La réglementation m'impose d'allumer les feux de croisement pour pallier ce contraste. Et je ne dois les éteindre qu'une fois sorti du tunnel. Se rendre visible est très important pour ma sécurité et celle des autres. Réponse B.